Salut maman. Damien, déjà levé? À 7h? Oui, je suis allé voter. Vraiment, déjà? À 9h du matin? Oui, j'étais même le premier à entrer dans le bureau de vote. Toi alors, tu m'étonneras toujours. On peut dire que tu es motivé. Oui, c'est bête. Je sais pas si c'est le fait d'avoir 18 ans, mais maintenant, je me sens concerné. Et je me rends compte que la politique, c'est important. Si on ne vote pas, on laisse les autres décider pour nous. Bravo, mon fils. Tu sais que dans d'autres pays, le vote est obligatoire? Les gens doivent payer une amende s'ils ne vont pas voter. Oui, je trouve ça un peu exagéré. Je préfère qu'on laisse les gens libres. Moi aussi. Mais tu ne vas pas t'inscrire dans un parti politique et devenir un militant? Non, pas pour l'instant. Je ne me sens pas encore sûr. Je voudrais mieux m'informer avant. Tu as raison, prends ton temps. Et toi, tu ne vas pas voter aujourd'hui? Bien sûr que si, c'est important, surtout pour la présidentielle. Mais j'irai tranquillement cet après-midi. Au fait, pour qui est-ce que tu as voté? Ah, le vote est secret, je ne te le dirai pas. Petit malin, je le sais.